بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. لونجا الله سبحانه وتعالى، سي نوتخ سيزيام كور دون ليتود دو ليكسبليكاسيون دي كاتخ ريغل دو شيخ عبيد حفظه الله تعالى، انتيتولي اون اغاب البيان المرصع شرح القواعد الأربع. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دونك لوتور شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، إك الله سبحانه وتعالى لو ريكومبونس بار الفردوس الأعلى، il dit la troisième règle, c'est que le prophète est apparu auprès des gens divisés dans leurs adorations. Certains parmi eux adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les vertueux, d'autres adoraient les arbres et les pierres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus sans faire de distinction. Les a combattus sans faire de distinction entre eux. La preuve est dans le verset, et combattait dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme et que la religion soit entièrement à Allah. L'Anfal, verset 19. Cheikh Ubaid, يقول الشيخ عبيد: أقول هذه القاعدة تتضمن أولا بيان حال الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذه الحال أنهم متفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النبيين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر إلى غير ذلك. الشيخ عبيد commentant ce passage, il dit: cette règle contient premièrement l'éclaircissement sur la situation des gens auprès duquel a été envoyé le prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient divisés dans leurs adorations. Certains adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes, d'autres adoraient le soleil et la lune, et d'autres adoraient d'autres choses. يقول الشيخ عبيد متع الله به و أطال عمره في طاعته ورزقه الصحة والعافية. ثانيا: بما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نحو هؤلاء المشركين؟ والجواب أن الله أمره بقتالهم جميعا ولم يفرق بينهم، لأن عباداتهم شرك مع الله، والشرك وإن اختلفت وجهته فهو كفر بالله، كما يقال: الكفر ملة واحدة. فراكب الكفر كافر، وراكب الشرك مشرك، ودليل ذلكم هذه الآية: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه آية الأنفال، وآية البقرة نحوها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال الكفار على اختلاف معبوداتهم الشركية، وإن كان بعضهم يعبد الله ويعبد غيره، بل جلهم يعبدون الله ويعبدون غيره. دونك الشيخ عبيد الجي حفظه الله تعالى ومتع به ورزقه الصحة والعافية، Il dit, deuxièmement, dans cette règle, et dans le verset qui est cité dans cette règle, Allah a ordonné quoi à son prophète concernant les associateurs et les polythéistes? Il dit, Habidallah, la réponse, Allah lui a ordonné de les combattre tous sans distinction, car leur adoration vouée à autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme, c'est de l'association avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'association, peu importe ce qui est pris comme adoré avec Allah, ou en dehors d'Allah, c'est de l'association, c'est du polythéisme, c'est de la mécréance envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme il est dit, la mécréance est une seule voie. C'est-à-dire, même si les divinités sont diverses, sont différentes, mais la mécréance, elle est unique. C'est le fait de adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, Hafidhahullah ta'ala, donc, celui qui accomplit la mécréance est mécréant. Celui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il est associateur. Il dit la preuve, et dans le verset dans Surat Al-Anfal, où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme et que la religion soit sincèrement pour Allah. Ça, dans le verset dans Surat Al-Anfal. Et aussi dans le verset dans Surat Al-Baqarah, où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement et uniquement pour Allah. Donc Allah a ordonné à son prophète et aux croyants de combattre les mécréants sans faire de distinction entre eux. Même si certains adoraient Allah et autre chose avec Allah, la grande partie parmi les polythéistes adoraient Allah et adoraient autre chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله وثانيا هذا القتال له غاية ما غايته التي ينتهي إليها غايته أولا ذهاب الشرك حتى لا تكون فتنة فسمى الشرك فتنة لما فيه من التنازع والتباغض والثاني إخلاص الدين لله ولا يقبل الله تعالى عبادة خالطها الشرك إيه الشيخ عبيد دو دير سو كومبا إلا أن بوت سي كوا لو بوت دو سو كومبا il dit son but premièrement l'anéantissement de l'association et du polythéisme pour qu'il n'y ait pas de fitna. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le polythéisme, l'associationnisme, il l'a appelé une fitna, une sédition. Pourquoi? Car il est source de litige et de haine. Deuxièmement, que la religion soit accomplie sincèrement pour Allah et uniquement pour Allah. Car Allah n'accepte pas la religion dans laquelle il y a de l'association. يقول شيخ الإسلام محمد بن اللهاب رحمه الله تعالى ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Et donc, Cheikh l'Islam, Mohamed Ibn Lahab, rahimahullah ta'ala, dit, la preuve concernant le soleil et la lune, comme quoi il est interdit d'adorer le soleil et la lune, le verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, qui dit dans sa, ce verset nous dit, dans sa traduction approximative du sens du verset, parmi les signes et les merveilles d'Allah, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés. C'est celui que vous adorez. Verset dans Zumar 37. Et la preuve concernant l'interdiction d'adorer les anges est le verset dans Sourate Al-Imran, verset 80, où il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset, et Allah ne vous ordonne pas de prendre pour seigneur les anges et les prophètes. C'est-à-dire, il ne vous ordonne pas de les adorer. Yaqulu al-Sheikh Ubaid, rahimahullah, المصنف رحمه الله أتى بدليل كل معبود ذكره على حدة حتى يكون المسلم الذي شرح الله صدره للإسلام على بينة. هذا وجه، ووجه آخر سد الطريق على من يسوغ الشركيات الموجودة الآن في بعض الأقطار بأنها ليست شركيات وإنما هي توسلات. Cheikh Ubaid, hafidhahullah ta'ala, concernant ce passage, il dit, l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Luhab, rahimahullah, a ramené la preuve concernant chaque chose qui a été adorée. Et chaque chose qu'il a cité, tous les adorés qu'il a cités, il a ramené les preuves qui interdisent le fait de les adorer. Le fait de les adorer uniquement ou de les adorer avec Allah, Azza wa Jal. Pourquoi, Cheikh, il dit, pour que le musulman à qui Allah a ouvert le cœur pour la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans une clarté. Cela d'une part. D'autre part, pour fermer la porte à tous ceux qui permettent l'association et le polythéisme existence dont, de nos jours dans certains pays, prétextant que ce n'est pas de l'association, ce n'est pas du polythéisme, ce ne sont que des intermédiaires et des moyens pour se rapprocher d'Allah. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى فيقال له هذا الذي سلكته أنت من اعتقادك في الشمس والقمر أو الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم من صالح عباد الله بدعوى أنهم يملكون النفع والضر واجعلهم وسائط بينك وبين الله، هذا من جنس شرك قريش ومن دان دينها حين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ عبيد يلدي on lui dit à celui qui met en avant ses prétentions pour justifier l'associationnisme, on lui dit, cette voie que tu as pris dans ta croyance pour le soleil, la lune, ou les anges, ou les prophètes, ou autres parmi les vertueux soumis à Allah en prétendant qu'ils possèdent le bien et le mal, et tu les prends comme intermédiaires entre toi et Allah, ce que tu es en train de faire là, c'est la même chose que le polythéisme de Quraysh et de tous ceux qui étaient sur la même religion que au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son message à Muhammad alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ عبيد بدأ المصنف رحمه الله برد عبادة القوم الشمس والقمر والذي يظهر لي أنهم اتخذوهما إلهين لما يرون من عظمهما. فالشمس سلطان النهار وضياؤه، والقمر سلطان الليل وضياؤه. ومضى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقون في دياناتهم. وها هو الشيخ رحمه الله يذكر ما يدلل على ما أسلفه وقد ضمنه شيئين: الأول ذكر المعبود بالباطل من دون الله سبحانه وتعالى، والثاني ذكر الدليل على اتخاذ المشركين هذا المعبود المعين. إيه شيخ عبيد تدير لوتور a commencé à répliquer aux adorateurs du soleil et de la lune. Et ils disent, ce qui m'apparaît, c'est que ces polythéistes ont pris comme divinité le soleil et la lune, car ils étaient grandes à leurs yeux. Le soleil, c'est le sultan de la journée et sa lumière, et la lune, c'est le sultan de la nuit et sa lumière. Il dit auparavant, Cheikh l'Islam a cité que les associateurs au milieu desquels était envoyé le messager d'Allah étaient divisés dans leur religion. Et voilà maintenant, Cheikh l'Islam ramène les preuves pour tout ce qu'il a été cité. Il y a inclus deux choses. il a cité la fausse divinité adorée en dehors d'Allah. Et il a cité la preuve qu'utilisent les politistes pour adorer telle divinité ou telle autre divinité. Et il a cité la preuve que la preuve qu'en quoi les politistes adoraient telle divinité précise ou telle autre divinité. Et il les a cités tous avec leur nom. Et il a ramené les preuves les concernant. يقول فآية فصلت وهي أولى آية الباب تتضمن شيئين بل ثلاثة. الأول ما قصده المصنف رحمه الله من إقامة الدليل على أن من معبودات المشركين الشمس والقمر والحامل لهم على اتخاذ هذين معبودين مع الله دونه ما يرونه من عظمتهما ومن ذلك أن الشمس سلطان النهار وضياؤه والقمر سلطان الليل وضياؤه فذكر هنا أن مما يوجب وحدانيته وأن العبادة هي حقه سبحانه وتعالى لا شركة فيها لأحد الليل والنهار والشمس والقمر يعني من الآيات الدالة على استحقاق الله عز وجل عبادة وحده دون سواه إيه شيخ عبيد دي le verset de Fussilat qu'a cité Cheikh l'Islam ici dans cette règle contient deux plutôt trois choses. Premièrement, la première chose contenue dans le verset de Fussilat, le but de l'auteur qui est l'accomplissement de la preuve concernant le culte que vouaient les associateurs à la lune et au soleil et le motif qui les a poussés à les prendre comme divinité avec Allah en dehors d'Allah. Il dit, Havidallah, c'est la grandeur de ces deux créatures. Le soleil, c'est le sultan de la journée et de sa lumière. La lune, c'est le sultan de la nuit et de sa lumière. Il dit, l'auteur a cité ici que parmi les choses qui prouvent qu'il est obligatoire de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun associé, le verset lui-même. La nuit et le jour et le soleil et la lune. C'est-à-dire ce sont des signes et des merveilles qui prouvent que le culte n'est dû qu'à Allah uniquement. يقول الشيخ عبيد حفظه الله الثاني نهي القوم عن السجود للشمس والقمر والمراد بالسجود عبادتهما وعبر به لأنه أعظم أركان الصلاة وأشرفها وهذا يفيد فائدة أخرى وهي نهي المسلم عن التشبه بالكفار وإيضاح ذلكم ما أخرجه مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهر حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وفي حديث الشيخ حفظه الله تعالى il dit ce qui continue aussi dans le verset de Fussilat c'est qu'Allah leur a interdit de se prosterner pour le soleil et la lune. Ce qui est voulu par la prosternation ici c'est leur adoration. Il a utilisé la prosternation car c'est le plus noble et le plus grand pilier de la prière. Et ceci nous donne un point à retenir qui est l'interdiction de ressembler aux kuffars. Et comme éclaircissement à cela, il est dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah de Uqba ibn Amir qui a dit il y a trois moments où le prophète nous interdisait de prier ou d'entrer ou d'enterrer nos morts au moment où le soleil commence à se lever. Jusqu'à ce qu'il apparaît complètement. Et au moment du zénith, c'est-à-dire quand l'ombre des choses disparaît. Dans certaines régions, l'ombre ne va pas disparaître. Il restera un petit peu. Mais ce moment-là, il est interdit de prier. Jusqu'à ce que le soleil penche un peu vers l'ouest. Et que l'ombre commence à réapparaître. L'ombre des choses commence à réapparaître. et aussi au moment où le soleil commence à se coucher jusqu'à ce qu'il disparaît complètement. Ces trois moments, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la communauté de prier ou d'enterrer les morts. Pourquoi? Nous allons le voir dans le hadith qui suit, le hadith de Muslim, le hadith de Omar ibn Abasa, ibn Abasa al-Sulami. وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار من حديث طويل من حديث طويل لمسلم رحمه الله تعالى. Et donc, Cheikh Obeid de argumenter avec ce hadith comme quoi il ne faut pas ressembler aux kuffars. Le hadith de Omar ibn Abasa Sulami, une partie de ce hadith dit, où Abasa, ou Omar ibn Abasa dit, j'ai dit au prophète d'Allah, parle-moi de la prière. Le prophète d'Allah lui a dit, prie la prière du sobh et arrête de prier jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Car quand le soleil commence à apparaître, il se lève entre deux cornes du shaitan. Et à ce moment-là, les mécréants se prosternent pour le soleil. Et c'est le témoin, comme quoi il ne faut pas leur ressembler. Et puis après, prie, car les gens sont présents en ce moment jusqu'à ce que disparaît l'ombre des choses. Et là, arrête de prier. C'est-à-dire au moment où disparaît l'ombre des choses, il faut arrêter de prier. Pourquoi? À ce moment-là, Jahannam s'enflamme fortement. Et quand réapparaît l'ombre des choses, prie. Car en ce moment-là, les anges seront présents jusqu'à ce que tu pries l'asr. Une fois que tu as prié l'asr, arrête jusqu'à ce que le soleil se couche complètement. Car il se couche entre les deux cornes de shaitan et les kuffars se prosternent pour le soleil. Et donc, il nous est ordonné de ne pas leur ressembler dans tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il n'y a qu'à voir ce que certains de la communauté font pendant ces derniers jours de cette année grégorienne. يقول الشيخ حفظه الله الثالث واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والمعنى إن كنتم صادقين في زعمكم عبادة الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له سبحانه وتعالى وهذا تنبيه إلى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات فكانوا يحجون ويعتمرون وينذرون ويعتقون ويتصدقون ويصومون عاشوراء فلم يقبلها الله منهم لماذا. Et Cheikh Abdullah dit le troisième point contenu dans ce verset de Fussilat qu'a pris comme argument Cheikh l'Islam Mohamed Abdelham, il dit le verset qui dit dans sa traduction approximative du sens du verset, et prosternez-vous pour Allah qui les a créés. Et prosternez-vous pour Allah qui a créé le soleil, la lune, le jour et la nuit. Et prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Cheikh Abdallah, il dit, cela veut dire, si vous êtes véridique, quand vous prétendez que vous adorez Allah, alors ne vous prosternez pas pour le soleil, ni pour la lune, et prosternez-vous pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh il dit, cela attire l'intention que les associateurs au milieu desquels était envoyé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissaient des actes d'adoration. Ils faisaient le pèlerinage, ils faisaient des omras, ils faisaient des vœux, ils libéraient les esclaves, ils donnaient l'aumône, ils jeûnaient Ashura. Allah ne l'a pas accepté d'eux. Pourquoi il ne l'a pas accepté d'eux? يقول حفظه الله لأن هذه العبادات خالطها الشرك إن كنتم إياه تعبدون. وبهذا يعلم أن من يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويتقرب لأهل القبور للقبور بقربات شتى كالذبح والنذر يستفاد من ذلك أنه غير مسلم، وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم فيقول فيقال على سبيل العموم هذا مشرك، لأن الشارع دل على أن صنيعه شرك من جنس شرك قريش حين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذنك الشيخ الدي حفظه الله réponse à la question qu'il a posée, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté leur adoration, dit car ces adorations que faisaient les polythéistes ont été mélangées avec l'association. Et le verset, il est clair dans sa traduction approximative, nous dit ceci, si vous adorez Allah, si vous adorez Allah, partant de là, on sait que ceux qui égorgent pour autre qu'Allah, et qui font des vœux pour autre qu'Allah, et demandent secours à autre qu'Allah dans ce que peut faire qu'Allah, et se rapprochent des morts dans les tombes par différentes offrandes, comme le fait d'égorger pour eux, le fait de leur faire des vœux, agissant ainsi, on sait qu'ils ne sont pas musulmans, même s'ils prient, ils jeûnent, ils font le pèlerinage et prétendent être musulmans. Et on dit que celui-là est un associateur. Dit celui-là, est un associateur car le législateur a prouvé que son acte c'est de l'associationnisme et c'est de l'associationnisme et c'est de l'association et c'est du polythéisme. Et il est de la famille des actes des associateurs de Quraysh quand Allah leur a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يقول الشيخ عبيد الدليل الثاني آية آل عمران استدل بها المصنف رحمه الله على أن من معبودات المشركين الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إيه حفظه الله تعالى la deuxième preuve concernant les adorés des polythéistes c'est ce qui est contenu dans Al Imran dans sourate Al Imran dans le verset qu'a cité Mohamed ibn Abdullah rahmatullah alayh dit Cheikh Obed, il dit, l'auteur a utilisé pour montrer que parmi les adorés des polythéistes, les anges, le verset dans la traduction approximative nous dit ceci, et il vous ordonne pas de prendre comme souverain les anges et les prophètes. يقول حفظه الله وهذه جاءت في سياق كامل تتضمن أن من أتاه الله الحكمة الحكم والكتاب والنبوة لا يدعو إلى عبادة غير الله سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو غير ذلك، لأنه لو فعل ذلك لخرج عن رفعة المقام التي نالها من الله عز وجل. الشيخ عبيد دنودير ce verset dans sourate Al Imran se trouve dans un contexte complet qui stipule que celui à qui Allah a donné le pouvoir, le livre et la prophétie n'appellent pas à l'adoration d'autre qu'Allah, que cet adoré soit un ange ou un prophète ou autre, car s'il le fait, il sortira de la place élevée qu'Allah lui a octroyée. يقول الشيخ عبيد ويمكن أن يقال عبادة غير الله طاغوت لأنه من الطغيان هو مجاوزة العبد حده في عبادة غير الله أو طاعة أي متبوع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et Cheikh Obeid de dire, et on peut dire que adorer autre qu'Allah, c'est un tarot, car il fait partie du tourian, qui signifie que le soumis a dépassé ses limites en adorant autre qu'Allah, ou en obéissant à n'importe quel leader dans la désobéissance à Allah et dans la désobéissance de son messager alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ عبيد وأما المعبودون من دون الله فقسمان قسم بريء من هذه العبادة التي ألصقها به المشركون، وهؤلاء صالح عباد الله من الملائكة والنبيين وصالح الجن والإنس. والقسم الثاني من رضي بعبادة نفسه من دون الله أو دعا الناس إلى ذلك، فهذا طاغوت وعبادته طاغوت. فمعنى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين من دون الله عز وجل. Et cher, il dit, quant aux adorés en dehors d'Allah, ils sont deux catégories. Une catégorie qui désavoue cette adoration que certains leur vouent parmi les polythéistes. Et ceux-là, ce sont les soumis vertueux parmi les créatures d'Allah, qui sont les anges, les prophètes et les vertueux humains, jinns, et les vertueux parmi les humains et les jinns. Cette catégorie-là désavoue, hein, les adorations qui leur ont été vouées dans ce bas monde et dans le delà. La deuxième catégorie, ceux qui agréent qu'on les adore en dehors d'Allah et l'appeler, et ceux et aussi ceux qui ont appelé les gens à les adorer. Soit ils ont agréé qu'ils soient adorés, soit ils ont appelé les gens à les adorer. Et il dit, Havidallah, celui-là, c'est un tarot. Celui qui appelle les gens à l'adorer ou là, qui accepte qu'on l'adore, c'est un tarot. Et son adoration, c'est un tarot aussi. Donc la signification du verset, et le tarot, ça veut dire tout simplement dépasser ses limites. Et ici le soumis, hein, dépasse ses limites en adorant autre qu'Allah, Azza wa Jal. Et l'autre qui a adoré dépasse ses limites en demandant aux autres de l'adorer, ou en acceptant leur adoration. Et donc, la signification du verset « Il vous ordonne pas de prendre comme souverain les anges et les prophètes », ça veut dire de ne pas les adorer en dehors d'Allah, Azza wa Jal. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Et شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه dit la preuve concernant les prophètes, comme quoi on n'a pas le droit d'adorer les prophètes. Le verset nous dit ceci qu'il a cité رحمه الله تعالى. Rappelle-leur le moment où Allah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le moment où Allah dira au Isa ibn Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Le verset dans Surat al-Ma'ida 116. يقول الشيخ عبيد هذه آية المائدة والسياق كاملا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. شيخ عبيد الجي ها voici le contexte complet de ce verset dans sourate al-Maïda. Dans la traduction approximative, nous dit ceci. Le moment où Allah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où Allah dira, ô Isa ibn Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Isa dira, gloire et pureté à toi, et à Allah, ils ne m'appartiennent pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en ton nefs. Tu es en vérité celui qui connaît tout ce qui est invisible. Tu es en vérité qui connaît tout et qui connaît tout ce qui est invisible. يقول الشيخ عبيد بعدها وهذا يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول فيها ذم لعبدة المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام من النصارى، وهذا الذم والتوبيخ كما هو ظاهر الآية يظهره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تبكيتا لهؤلاء يسأل المسيح صلى الله عليه وسلم بما تضمنت آية المائدة هذه، والله يعلم أن نبيه وعبده ورسوله عيسى لن يقول هذا، لكن هذا لأجل إظهار الذم لهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله. شيخ عبيد الجي، ce verset dans sourate Al-Ma'ida contient un certain nombre de points. Dit le premier, la première chose contenue dans ce verset dans sourate Al-Ma'ida, le blâme des adorateurs du Christ et de sa mère, alayhi salatu wassalam. Hein, le blâme adressé à Nasara. Hein, et ce blâme et cette réprimande, comme il apparaît dans le verset, sera le jour du jugement, comme mise en garde sévère pour ceux-là qui ont adoré, hein, Isa et sa mère. Il dit, Abdallah, Allah pose la question à Al-Masih, à Isa ibn Maryam, comme il est dit dans le verset, alors qu'Allah sait que son prophète, ils sont soumis, ils sont messagers, Isa ne dira pas cela, mais pour blâmer ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah. C'est un blâme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en posant la question à Isa alayhi salatu salam, c'est un blâme qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah azza wa jal. يقول الشيخ عبيد وإن قال قائل وما دخلنا نحن بهؤلاء النصارى، والجواب أن كل ما ذم الله عليه أهل الكتاب فهو متوجه إلينا إن نحن سلكنا مسلكهم، فيقع السالكون من هذه الأمة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله وسؤاله تفريج الكرب أو قصدهم أو قصدهم آل بيته أو غيرهم من الصالحين، هذا يشبه تماما صنيع أهل الكتاب مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. Et Cheikh de nous dire, Habibullah Ta'ala, et si quelqu'un dit, qu'est-ce que nous avons à voir avec Nasara? La réponse des Cheikh, toute chose pour laquelle Allah a blâmé les gens du livre, s'adresse à nous aussi, si on suit leur voie, et si on accomplit les œuvres pour lesquelles ils ont été blâmés. Donc, il dit, Habibullah, donc certains qui vont les imiter vont tomber dans l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam et dans le fait de l'implorer en dehors d'Allah et de lui demander de les délivrer des difficultés et des angoisses, ou ils vont s'orienter vers les gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam ou s'orienter vers autres parmi les vertueux de cette communauté. Et cela ressemble à l'acte des gens du livre avec leur prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme il est rapporté dans le hadith authentique de chez l'imam Bukhari, n'exagérez pas dans mes éloges comme les chrétiens ont exagéré dans les éloges qu'ils ont fait à Isa ibn Maryam, al-Masih ibn Maryam. Je ne suis, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, je ne suis qu'un soumis à Allah. Dites, soumis à Allah et messager d'Allah. فأهل الكتاب قسم فرطوا في أنبيائهم وأضاعوهم كما صنعت اليهود مع عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام، بل وقتلوا كثيرا من الأنبياء وأجمعوا قتل المسيح صلى الله عليه وسلم، ولكن الله نجاه منهم فمكر بهم وألقى شبه عيسى على رجل منهم فقتلوه، ورفع الله نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم إليه. Il dit, حفظه الله تعالى, une partie des gens du livre sont laxistes vis-à-vis de leur prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont négligé les prophètes, ils ont négligé leurs droits, comme les juifs ont fait avec Isa et avec la mère de Isa alayhi salatu wassalam. Et les Juifs ont tué beaucoup de prophètes. Et ils se sont réunis pour tuer le Messie Isa ibn Maryam. Mais Allah l'a sauvé de leur complot et a mis sa ressemblance sur un homme parmi eux qu'ils ont tué, croyant que c'était Isa alayhi salatu salam. Allah a élevé vers lui son prophète Isa alayhi salatu salam. والطائفة الثانية من غلوا في أنبيائهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية وهؤلاء هم النصارى ولهم شبه ولهم شبه من هذه الأمة فإن الرافضة غلوا في آل البيت لا سيما علي رضي الله عنه وابناه وابناه الحسن والحسين حتى عبدوهم من دون الله والنواصب ضيعوا آل البيت فسبوهم وشتموهم وآذوهم الشيخ الجي حفظه الله تعالى. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont exagéré et élevé leur prophète au degré de la divinité. Et ceux-là, ce sont les chrétiens. Il dit dans cette communauté, il y a ceux qui leur ressemblent. Rafida ont exagéré concernant la famille du prophète, surtout concernant Ali et ses deux enfants, Hassan et Hussein. Et ses deux fils, Hassan et Hussein, au point de les adorer en dehors d'Allah. النواصب ont négligé la famille du prophète alayhi salatu salam. Ils les ont insultés, calomniés, ils les ont maltraités. Wa ahlus sunnati wa lillahi alhamd wasat yuhibbuna ahl albayt wa yatawallawnahum wa la yarfa'unahum fawqa ma anzalahum Allah azza wa jalla innahu qad istaqarra 'indahum wa lillahi alhamd min alkitab was sunnah wa ijma' al-a'imma annahu لا غلو فالدين وسط ليس فيه غلو فالعبادة هي محض حق الله عز وجل فلا يستحقها من دونه مهما كانت منزلته. Il dit حفظه الله تعالى la louange est à Allah عز وجل les gens de la sunna. La louange est à Allah, les gens de la sunna sont dans un juste milieu, ils aiment les gens de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. Leur alliance est pour les gens de la famille du prophète alayhi salatu salam. Mais ils ne les élèvent pas au-dessus de la place qu'Allah leur a donnée. La louange est à Allah, il est confirmé chez les gens de la sunna, par le livre et par la sunna et par le consensus des imams, qu'il ne doit pas y avoir d'exagération dans la religion. La religion est un juste milieu sans aucune exagération. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas être voué à qui que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la place qu'il a. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الأمر الثاني رد غلو النصارى في المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام إذ عبدوهما من دون الله والأمر الثالث توبيخ هؤلاء وفضحهم على رؤوس الملأ. الشيخ الجي le deuxième point contenu dans le verset de sourate al-ma'idah, la mise en garde, il a réplique aux chrétiens concernant leur exagération vis-à-vis de Isa et de sa mère alayhim wa salatu wassalam, car ils les ont adorés en dehors d'Allah. Et le troisième point qui est contenu, qu'on contient ce verset dans sourate al-Ma'idah, Allah les a dévoilés, Allah les a blâmés, réprimandés devant tout le monde le jour de la résurrection. Yaqulu al-Shaykh حفظه الله الأمر الرابع أن المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام براء من ذلك ولهذا قال الله عز وجل في آخر السياق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الأمر الخامس الدليل على أن تثليث النصارى هو في عبادة المسيح وأمه مع الله فمن ذكر أن تثليث النصارى في الأب والابن وروح القدس هذا مخطئ ولم يصب، فالذي دل عليه القرآن هذا هو تثليث النصارى. Il dit Habidallahu Ta'ala, le cinquième point que contient le verset de l'Maïda, le quatrième point plutôt, c'est que contient ce verset de Surat al-Maïda, c'est que Isa et sa mère, alayhi salatu wa salam, sont innocents et désavouent tout cela. Ils désavouent ceux qui les ont adorés. Ils sont innocents de l'adoration qui leur a été vouée. C'est pour ça que dans la fin du contexte du verset dans Surat al-Ma'ida, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, « Voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. » Et le cinquième point contenu dans ce verset de Surat al-Ma'ida, la preuve que la Trinité chez les chrétiens concerne l'adoration de Isa et de sa mère avec Allah. Et que ceux qui disent que la Trinité chez les chrétiens, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qu'ils disent c'est faux. Ce qui est prouvé par le Coran, c'est que la Trinité chez les chrétiens, c'est Isa, sa mère et Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه de citer les preuves comme quoi il est interdit d'adorer les vertueux. Donc la preuve concernant les vertueux est le verset qui nous dit ceci dans sa traduction approximative du sens: ceux qu'ils invoquent, de ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton souverain est vraiment redouté. Yaqulu al-Sheikh Ubayd hafidahullah, أقول هذا هو المعبود الرابع عند المشركين وهو صالح عباد الله من الجن والإنس. وهذه الآية فيها قولان يعني في الصالحين الذين استدل المصنف على أن المشركين عبدوه. شيخ عبيد commentant ce passage, il dit: ça c'est le quatrième adoré des polythéistes, qui est le vertueux parmi les soumis à Allah, humains et jinns. Il dit ce verset qu'a utilisé l'auteur pour prouver que les associateurs ont adoré les vertueux porte deux sens chez les hommes de science. Il a deux sens chez les hommes de science. أحدهما العموم وأن الصالحين هؤلاء كل صالح من الجن والإنس مثل عزير وعيسى ومريم وغيرهم. والقول الثاني أن المراد بالصالحين طائفة من الجن عبدهم المشركون وليس بين القولين تعارض ولا منافاة فالآية عامة لكن الثاني أقوى يوضح ما جاء في سبب نزول الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم واللفظ للإمام مسلم. إذنك ذهب الله تعالى donc le premier sens de ce verset, c'est-à-dire que le verset concerne tous les vertueux en général, qu'ils soient jinns ou humains, comme Isa, comme l'Uzair, comme Mariam et autres. Ça, c'est le sens général. Le deuxième sens, ce qui est voulu ici par les vertueux, une fraction de jinns. C'est un groupe parmi les jinns que les associateurs adoraient. Et il n'y a aucune contradiction entre les deux paroles. car le verset c'est un, il est général, mais le deuxième sens est fort, il est détaillé par la cause de la révélation, dont ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'expression ici est celle de l'imam Muslim, qui rapporte d'Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que ce verset a été descendu concernant un groupe d'Arabes qui adorait un groupe de djinns. Et les djinns se sont convertis à l'islam. Et les humains qui les adoraient ne l'ont pas senti, ne l'ont pas su. Et ils ont continué à les adorer. يقول الشيخ عبيد فمضمون الآية إذن أولا التناء على الذين اتخذهم المشركون من الصالحين آلهة بتبرئة الله إياهم ورفع ذكرهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فالذي يبتغي إلى ربه الوسيلة لا يدعي الشركة مع الله لأنه ينافس في الصالحات فرائض ونوافل. الشيخ حفظه الله تعالى نذير ce verset, hein, dans sourate Al-Isra, qu'a cité Cheikh ici, comme preuve comme quoi il faut pas adorer les vertueux. Il dit, le verset contient, premièrement, il contient l'éloge d'Allah si vertueux que les polythéistes ont pris comme divinité. Allah les a innocentés de cette adoration qui leur a été vouée. Allah a élevé leur évocation. Écoutez le verset dans sa traduction approximative, dit ceci. Ceux qu'ils implorent en dehors d'Allah cherchent eux-mêmes le moyen pour se rapprocher le plus de leur souverain. Donc, celui qui cherche le moyen de se rapprocher d'Allah ne prétend pas être un associé à Allah, mais il rivalise dans les bonnes œuvres obligatoires et surrogatoires. يقول الشيخ حفظه الله ثانيا من موجبات ثناء الله عليهم الجمع بين الخوف والرجاء ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهكذا كل مؤمن ديدنه الجمع بين الخوف والرجاء فالرجاء يطمع في رحمة الله من عصى والخوف يردع عن مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه. اي شيخ يدي لو دوزيام بوين كي كونتينيو دون الفيرسي ها ce qui y a prévalu, les éloges d'Allah à ses vertueux. Ce qui leur a prévalu les éloges, c'est le fait de réunir entre la crainte et l'espoir. Le verset, il est clair, dans la traduction approximative, il nous dit ceci. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Hein? Donc, le fait d'avoir réuni en eux la crainte et l'espoir en Allah, la crainte d'Allah et l'espoir en Allah, hein? Ceci, hein? Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a prévalu sur Allah subhanahu wa ta'ala l'éloge. Il dit, Habidallah, il en est ainsi pour tout croyant. Il doit réunir entre la crainte et l'espoir. Il dit, l'espoir crée la convoitise de la miséricorde d'Allah chez celui qui désobéit à Allah. Et la crainte est un frein pour ne pas subir la malédiction et la colère d'Allah. ولهذا يقول بعض المهوسين والجهلة التقوى في القلب كلما نصح نصيحة قال التقوى في القلب يقول الشيخ ونحن نقول التقوى في القلب لكن تظهر آثار استقامة القلب على اللسان والجوارح وقوله عز وجل إن عذاب ربك كان محذورا تعليل لما قبلها من جمع هؤلاء الصالحين بين الخوف والرجاء فبان بهذا أن اتخاذ قبور من عرفوا بالصلاح والتقوى والسنة آلهة هو من البهتان والظلم والزور. شيخ الجي سيبوكسا C'est pour ça quand certains ignorants disent que la piété est dans le cœur, que le taqwa est dans le cœur, chaque fois que quelqu'un leur prodigue un conseil, ils disent la piété est dans le cœur. Hein? Le taqwa est dans le cœur. Cheikh Habidallah, il dit, et nous aussi on dit que la piété est dans le cœur, mais son impact doit apparaître sur la langue et les autres membres du corps. C'est-à-dire que si taqwa remplit le cœur, ceci doit être apparent au niveau de la langue et au niveau des membres du corps. Hein? Yaqulu hafidhahullah, et le verset, et la fin du verset dans Surat Al-Ma'ida, et le châtiment de ton souverain est vraiment redouté. Il dit, ça c'est la cause de ce qui a été cité auparavant, comme quoi ces vertueux réunissent entre la crainte et l'espoir. C'est-à-dire le fait d'avoir, de méditer ce verset, où il est dit, dans la traduction approximative, hein, et le châtiment de ton souverain est vraiment redouté, c'est la cause et c'est le motif qui a poussé ces vertueux à réunir entre la crainte d'Allah et l'espoir en Allah, Azza wa Jalla et en sa clémence. Et il dit, Hafidhahullah, et cela nous montre clairement que le fait de prendre les tombes de ceux qui étaient connus pour leur droiture dans la religion, pour leur vertuosité, pour leur piété, ceux qui étaient connus pour leur attachement à la sunna, de prendre leur tombe, hein, le fait de prendre leur tombe et de les prendre comme des divinités et de leur vouer un culte, ceci est nul. Et ceci est une grave et une grande erreur. Et ceci est une énorme injustice. Et on arrête, Inch'Allah, là pour aujourd'hui. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.